Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Lorsque les hommes font la guerre, ils perdent leurs chaussettes. Mais non, la tête. Durant la funeste nuit où les Grecs ont fait tomber la cité de Troie, une folie destructrice s'est emparée d'eux. Les yeux exorbités, à tour de bras, ils ont frappé, ils ont tué. Oh ! Les dieux vont-ils les laisser s'en sortir aussi facilement ? Sur la mer rosie par le soleil qui se lève, Ulysse et ses hommes font route vers Ithaque. 12 bateaux traversent la mer Égée. Bientôt, oh, ça y est, ils aperçoivent le Cap Malais, tout au sud de la Grèce. Le Cap Malais, ouh, Ulysse sait que c'est un passage délicat. Derrière cette montagne de rochers, c'est une autre mer, immense, dangereuse. Zeus seul sait ce qui pourrait arriver. Les navires avancent. Le cœur d'Ulysse bat très fort dans sa poitrine. 1, 3, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouf ! Tous les navires ont doublé le cap. Le roi d'Ithaque regarde le ciel. Il est bleu. Oh, et la mer ! Elle est calme. Nom d'une formax ! S'exclame-t-il. Notre île n'est plus très loin ! Allez les gars, toute voile dehors ! On fonce ! À peine a-t-il prononcé ces mots qu'un vent terrible se lève. La mer gonfle. Pendant 9 jours, ouragans et tempêtes se succèdent. 9 jours. C'est largement assez pour se perdre. Ulysse et ses compagnons ont basculé dans un autre monde, inconnu, qui n'est plus celui des humains. Ici vivent de drôles de créatures. Ici, la nuit est toujours plus forte que le jour. Derrière les nuages, une terre apparaît à l'horizon. Nos aventuriers sont arrivés au pays des lotophages. À peine débarqués, Ulysse envoie 3 hommes en éclaireur. Allez voir les habitants de cette région et dites-nous à qui nous avons affaire. Sait-on jamais, ils auront peut-être envie de nous croquer comme des poulets grillés. Oh mais non Ulysse, détends-toi mon vieux. Les lotophages ne coûtent jamais aux cuisseaux humains, non. Il se régale d'une fleur au goût de miel qui provoque l'oubli. Ses 3 camarades sauront-ils résister à la tentation? Je te le dis tout de suite. La réponse est... non! Aussitôt qu'ils rencontrent les habitants du coin, ils se jettent sur leurs fruits magiques et comme des goinfres... ils les avalent! Sans surprise, ils sont immédiatement enveloppés du redoutable brouillard de l'oubli. Quelle sensation étrange! Ils ne se souviennent absolument plus de rien, ni de leur famille, ni d'Ithaque, ni bien sûr du chemin du retour. La barbe! Ulysse est obligé de les ramener au bateau par la peau du cou. Ils sont lourds et puis, franchement... oh, mais ça fouette sous leurs aisselles! C'est pas vrai! Quelle bande de fromage avarié! S'énerve notre héros. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais il est temps de reprendre la mer. Le vent fait rigoler les vagues qui poussent les bateaux et les portent jusqu'à une île que nos aventuriers ne sont pas prêts d'oublier. Enfin, ceux qui en reviendront vivants, bien sûr. Voyons voir, où vient-il de poser les pieds? Devant eux s'étend une terre sauvage, remplie de forêts et d'animaux effrayants comme... oui, les chèvres. Chut! Oh, les biquettes! Vous gâchez mon effet! Jamais aucun humain n'ose s'y aventurer. Et pour cause, ici vivent des géants terrifiants. Ils grognent, ils sont méchants. Ils n'ont qu'un seul œil au milieu du front. On les appelle les Cyclopes. Que faire? Le roi d'Ithaca a les yeux qui pétillent. Il a sûrement une idée géniale. Et si on commençait par piquer un gros roupillon? Hein? Ça vous dit? Oui, bon, j'avoue que je m'attendais à autre chose, mais bon, hein, pourquoi pas? Le lendemain, Ulysse prend la parole. Camarades, nous allons explorer cette nouvelle terre. Par prudence, je partirai seul avec les hommes de mon bateau. Allez, en route, mauvaise troupe! Et ainsi, 12 petits bonshommes s'élancent dans la forêt. Ils marchent les uns derrière les autres en faisant craquer les épines de pin. Tiens, tiens, mais... Oh, qu'est-ce qu'ils balancent, là, accroché à la ceinture de notre petit Ulysse? Oh! Ça, par exemple, une gourde de vin! Eh, dis donc, Mazette! Oh, hein, jugé par l'odeur, monsieur ne boit pas de la vinasse! Qui eût cru que le roi d'Ithaca était du genre soifard? Rapidement, ils arrivent à l'entrée d'une grotte couverte de magnifiques lauriers roses. Ici habite Polyphème, l'un de ces fameux géants effrayants, grands comme les montagnes. Ulysse jette un œil à droite, puis à gauche. Pas de cyclope à l'horizon. Vite, entrons! La grotte est sombre, humide. Et surprise! Elle est remplie de provisions. Sur les étagères sont entreposées des centaines de fromages, des pâtés, des jambons! Allez, Ulysse, on pique quelques frometons et hop, on se tire! Propose l'un de ses camarades. Ma foi, il a diablement raison! Mais quelque chose retient Ulysse. Non, il ne veut pas partir, pas tout de suite. Il veut voir. Qui est ce cyclope? N'a-t-il vraiment qu'un seul œil au milieu du front? Soudain, le sol se met à trembler. Oh, par tous les Zeus, c'est lui, c'est le géant, il arrive! Ma parole, mais il n'est pas tout seul! Polyphème est accompagné par un troupeau de moutons. Incroyable, le cyclope est berger! Lorsqu'il a fait entrer tous ses petits camarades à l'intérieur de la grotte, il la referme avec une énorme pierre extrêmement lourde. Puis, il allume un grand feu. C'est là, dans la lumière rouge et jaune des flammes, qu'il voit nos aventuriers. Étrangers, qui êtes-vous? Êtes-vous des pirates? 13 petits cœurs se mettent à battre la chamade. Ulysse et ses compagnons n'ont pas peur. Ils sont terrifiés! Nous sommes grecs et nous revenons de Troie où nous avons fait la guerre. Explique le roi d'Ithaca. Offre-nous l'hospitalité. Ainsi le vaudrait Zeus. En somme, tu vois, nous accueillir, c'est comme l'honorer. Comment? S'énerve le monstre. J'ai bien entendu! Tu me demandes de respecter les dieux! Mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Chez les cyclopes, on se fiche des immortels car nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi plutôt, où as-tu jeté l'ancre de ton bateau? Est-ce près ou loin d'ici? Tu as d'autres compagnons, j'imagine. Ulysse flaire tout de suite le mauvais coup. Mon bateau, lui répond-il en filoutant bien comme il faut. Eh bien... Oh, tu sais, il a coulé. Les seuls survivants se trouvent là, sous tes yeux. Enfin, sous ton œil. Et d'ailleurs, ça te fait un joli regard, tu sais. Un peu étonnant, mais joli. Parce que tu vois... Ulysse n'a pas le temps de finir sa phrase. Le cyclope attrape deux Grecs par les pieds et hop! Il est fait glisser dans son gosier. Le monstre croque. Il mâche. Il mastique. C'est un spectacle atroce. Oh, absolument répugnant. Oups! Pense alors Ulysse. Tout compte fait, je ne sais pas si on a bien fait de rester. Toute la nuit, son cœur brûle du feu de la vengeance. Plusieurs fois, il sent sa main glisser sur son glaive, mais il se retient. Les toilettes sont bouchées, la porte est bouchée par cette immense pierre. Si le cyclope meurt, nous sommes faits comme des rats. Eh oui, bien vu Ulysse, sacrément bien vu. Cette pierre est si lourde que seul le cyclope peut la déplacer. Le lendemain, Polyphème avale deux autres Grecs au petit déjeuner. Puis, il s'en va faire paître ses moutons dans la montagne. Ulysse et ses camarades se regardent. Pétard, ça urge. Il faut faire quelque chose. Mais quoi ? Pas de panique. Le roi d'Ithaque a un plan et cette fois, crois-moi, il ne s'agit pas de faire un gros dodo. Tout au fond de la grotte, Ulysse a repéré une immense massue en bois d'olivier. Cette arme, c'est leur porte de sortie. Grâce à elle, les Grecs vont crever l'œil du géant. Toute la journée, ils aiguisent l'immense bâton jusqu'à le rendre extrêmement pointu. Lorsque le cyclope est de retour, alors qu'il est en train de croquer, oh non, encore ! Deux humains pour le goûter. Ulysse s'approche de lui. Polyphème, dis-moi, c'est un peu sec la viande d'humain, non ? Pour arroser ton repas, tiens, bois ce merveilleux vin que j'ai apporté avec moi. Ça, perlipouette-pouette, la gourde ! Évidemment, elle n'était pas du tout pour lui. D'entrée, le monstre boit le liquide. Il adore, il en redemande. Serre-moi, étranger, et dis-moi ton nom, car j'ai moi aussi un cadeau pour toi. Mon nom ? Répond Ulysse. Eh bien, mon nom est Personne. Alors le cruel Polyphème ajoute : Je mangerai donc Personne en dernier. Ça, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Puis, il s'effondre par terre. C'est le vin. Ça fait roupiller. Hélas, la digestion est difficile. Le cyclope fait... d'énormes rototos. Oh non, c'est pas vrai, mais quel porc ! S'exclame Ulysse au bout du rouleau. Mais allez, vite, il n'y a plus une seconde à perdre. Il faut mettre le plan à exécution. Le roi d'Ithaque fait chauffer la pointe de son arme sur le feu. Lorsqu'elle est brûlante de chez brûlante, il l'enfonce dans la pupille de Polyphème. Le monstre pousse un hurlement terrible qui fait trembler les montagnes jusqu'au bout de la terre. À mon avis, oh oui, au moins jusqu'aux Alpes suisses. Non. En fait, j'exagère, c'est impossible. Oh, bah, disons que le cri a résonné très loin, assez loin pour alerter tous les cyclopes de l'île. Derrière la porte de la grotte, tous veulent savoir ce qui se passe. Qui est en train de lui faire du mal ? C'est Personne ! Répond Polyphème. Je meurs et Personne me tue ! Ah bon ? C'est Personne ? Bon, bah, si c'est Personne, que peuvent-ils bien faire ? Rien. Alors, ils s'en vont aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Ouh, pas vraiment fut-fut cette bande de cigognes. Cyclopes, pardon. Dans sa caverne, Polyphème continue de se tordre de douleur. Il zigzague à droite et à gauche. Il ne voit plus rien, mais il a encore ses mains. Partout, il les agite. Va-t-il attraper nos aventuriers ? Non, non, non. Ce filou d'Ulysse a tout prévu. Les Grecs se sont cachés sous le ventre des moutons. Accrochés à leur épaisse laine, ils attendent le lever du jour. Fait pas un peu chaud, là ? Et ainsi, le lendemain, lorsque Polyphème fait sortir son troupeau, sans qu'ils ne se rendent compte, il libère tous nos aventuriers. À toute vitesse, ils courent jusqu'à leur bateau. Mais Ulysse, tout d'un coup, s'arrête. Que se passe-t-il ? A-t-il oublié quelque chose ? Son pyjama ? Son slip ? Une paire de chaussettes ? Oh, Ulysse, je t'en prie, ce n'est pas le moment ! Tu en trouveras d'autres, des sous-vêtements de qualité. Hé ! Le cyclope ! Crie-t-il alors à s'en faire éclater les poumons. Si on te demande un jour qui t'a crevé l'œil, n'oublie pas de répondre que c'est Ulysse ! Oh, vanité, vanité ! Tu fais faire tellement d'erreurs aux humains ! Le cyclope, évidemment, est fou de rage. Tandis que les Grecs se préparent à mettre les voiles, Polyphème appelle son père à la rescousse. Range-moi, Poséidon ! Fais pleuvoir une avalanche de malheur sur ce maudit Ulysse ! Et ainsi, depuis ce jour, Poséidon poursuit Ulysse de toute sa fureur.